Pourquoi pas dire, pourquoi pas penser? Pourquoi pas vivre, je n'en sais rien. Pourquoi, pourquoi, pourquoi pas? Pourquoi, je n'en sais rien. Pourquoi, pourquoi, pourquoi pas la.